إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الشيخ explique maintenant un nouveau chapitre الباب et premièrement le cours aujourd'hui c'est le cours 80 et le chapitre qu'on commence c'est le chapitre 26. Le chapitre c'est « Bab ma ja'a fil kuhan wa nahwihim » C'est-à-dire qu'est-ce qui a été le chapitre au sujet de ce qui a été ramené ou rapporté au sujet des kuhan, c'est-à-dire les voyants, les médiums, les devins, les gens de personnes de ce genre, qu'est-ce qui a été rapporté à ce sujet-là et des gens de cette catégorie-là. Donc le chapitre dit « Munasabatu hadha al-bab lima qabla anna ma qablahu fi bayan al-sihri wa hukm al-sahir » وبيان بعض أنواع السحر وهذا في حكم الكهان وذلك للتشابه بين الكهان والسحرة لأن كل من السحر والكهانة عمل شيطاني ينافي العقيدة ويضادها والشيخ رحمه الله في الكتاب يبين العقيدة الصحيحة ويبين ما يضادها من الشركيات والكفريات وما ينقصها من البدع والمحدثات وهذه الطريقة الصحيحة المتمشية مع الكتاب والسنة أنه يبين ما الخير ويوضحه ثم يبين ضده من الشر من أجل أن يكون المسلم على حذر لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف الخير فقط بل لا بد من معرفته للخير أن يعرف الشر من أجل أن يتجنبه وإلا إذا لم يعرف الشر فإنه حري أن يقع فيه وهو لا يدري قبل بل قد يظنه خيرا لشيخ الذكر pourquoi le Cheikh Mohamed ibn عبد الوهاب a mis ce chapitre à la suite de ceux qui ont précédé et bien yani c'est justement parce que les chapitres qui ont précédé parlaient de la sorcellerie et la magie et c'est quoi le verdict de l'islam à ce sujet-là, de même que le verdict de l'islam au sujet du sorcier et des sorcières, de ceux qui pratiquent la magie, et ensuite la clarification des différentes catégories de sorcellerie et de magie. Maintenant, le cheikh il explique qu'est-ce que c'est Al-Kuhan, qui sont Al-Kuhan, c'est-à-dire les gens qui prétendent connaître l'avenir, et le fait qu'il y a une ressemblance entre les Kuhan et les sorciers. C'est pour ça qu'il les met un à la suite de l'autre. C'est-à-dire qu'il met les chapitres un à la suite de l'autre, parce que entre les Sahara, les sorciers et les Kuhan, et les devins, il y a quelques ressemblances. لأن كل من السحر والكهانة عمل شيطاني ينافي العقيدة الصحيحة. OK? Les deux, quand on regarde par exemple la sorcellerie et la voyance et ces trucs-là, on voit que tous les deux sont des actes qui ont un lien avec le shaitan et qui opposent la croyance correcte. Donc le shaitan il dit que le but de ce livre c'est d'expliquer aux gens la bonne aqidah et qu'est-ce qui s'oppose aussi à cette aqidah parmi les formes de shirk et les formes de kufr et qu'est-ce qui diminue la foi aussi même si elle ne l'annule pas complètement comme les bid'ah et les muhdathat et les innovations dans la religion. Donc, voici la voie qui est correcte, la voie qu'on doit suivre. qui est en accord avec la voie du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire de clarifier pour les gens le bien et de l'expliquer, de même que de clarifier qu'est-ce qui est le contraire aussi, c'est-à-dire le mal, et qu'est-ce qui s'oppose au bien, pour que le musulman puisse prendre garde et faire attention. Pourquoi? Parce que c'est pas suffisant pour qu'une personne soit guidée, qu'elle connaisse uniquement le bien. Parce que si elle connaît uniquement le bien et qu'elle ne connaît pas le mal, elle peut facilement tomber. Toutefois, si elle connaît le mal, elle peut s'en écarter. Et donc, c'est plus facile pour la personne de s'écarter du mal lorsqu'elle le connaît. Si elle ne le connaît pas, elle risque de tomber dans le mal sans même s'en apercevoir et sans même savoir que ce qu'elle fait est mal. Donc c'est très dangereux en fait. قوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم يعني ومن كان مثلهم من العرافين والرمالين وغير ذلك لأن هذا باب يشمل كل ما هو من نوع الكهانة والكهانة معناها ادعاء علم الغيب بطرق شيطانية فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات من الأشياء المستقبلة والأشياء المفقودة والضالة بسبب أنه يخدع للشياطين لأن الشياطين عندهم مقدرة ليست عند الإنسان فهم يرتفعون في الجو ويحاولون استسراق السمع من السماء ثم يخبرون بما يسمعون من من يخدع لهم من الإنس ثم هذا الإنس يأخذ الكلمة التي سمعت من السماء ويكذب معها مئة كذبة من أجل أن يلبس على الناس ولا تخبره الشياطين إلا إذا أطاعهم وكفر بالله وأشرك بالله عز وجل ونفذ ما تميله عليه الشياطين من الكفر والشرك وإلا فالشياطين لا تطيع المؤمن الموحد لأنه وإلا فالشياطين لا تطيع المؤمن الموحد لأنه لا يطيعها وإنما تطيع من يأتي على رغبتهم في الكفر بالله والشرك بالله. Le sheikh explique ici que le sheikh il a mis dans ce chapitre qui explique ce qui a été rapporté au sujet des Kohan, des devins, des voyants, des médiums, des gens qui prétendent voir l'avenir, etc. Et tous ceux qui sont dans cette catégorie-là, il y a différentes manières aussi, différentes personnes qui prétendent connaître l'avenir par différentes manières. Que ce soit par la méthode du tarot, ou que ce soit par la méthode de lire dans la main, ou que ce soit par la méthode de lire les feuilles de thé, ou que ce soit par la méthode des cartes, ou toutes les autres méthodes que les gens, que ces Dajjalin, des Shayatin parmi les hommes et les... En fait, je me rappelle quand j'étais plus jeune, à chaque fois qu'on allait chez ma grand-mère, ils avaient cette habitude-là même de faire la lecture des feuilles de thé. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, hein? Ouais. Mais en fait, je vais vous expliquer comment ils font. C'est que ils prennent un thé et après, vous savez, il y a des poches de thé et donc ils la mettent dans le thé. Et quand ils veulent savoir, par exemple, l'avenir ou quelque chose comme ça, ils la déchirent et ils laissent sortir les graines de thé à l'intérieur. Donc ça se mélange et lorsque le thé est terminé, ils renversent la tasse et ils laissent couler ce qui reste de thé. Et puis là, ils regardent dans les formes que ça fait sur le bord de la tasse, et ils essaient d'interpréter ces dessins-là, pour essayer de soi-disant connaître l'avenir. Donc c'est des exemples de façon dont qu'ils utilisent pour essayer de lire les feuilles de thé. Il y en a qui lisent les lignes de la main, il y en a qui lisent d'autres choses comme ça, les coquillages et des trucs. Il y en a qui dessinent des lignes dans le sable, ils pensent que ça donne des indications sur l'avenir, des trucs de ce genre. Donc tout ça, ça rentre dans toutes ces formes de kahana, al-kihana, etc. Et donc, le Cheikh il dit que al-kihana, c'est de prétendre connaître la connaissance de l'invisible par des méthodes diaboliques. ok, en utilisant les shayatin, en utilisant les diables. Et le cheikh dit que al-kahin, ok, le devin ou le médium ou le voyant, il c'est celui qui essaie d'informer les gens, qui prétend être capable d'informer les gens des choses qui sont qui ont rapport avec le futur, avec l'avenir, ou des choses qui sont perdues, égarées. C'est-à-dire quelqu'un s'est fait s'est fait voler quelque chose, ou il a perdu depuis longtemps et il a cherché partout pour le retrouver, il n'arrive pas à la retrouver, donc il essaie d'avoir recours à ces gens-là pour l'aider à retrouver ces choses-là. Et donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent l'aide des shayatins pour retrouver ces objets perdus ou ces objets volés. Hein, et les shayatins, ils ont des capacités que les hommes n'ont pas. Les shayatins sont capables de voler, hein, de monter dans les airs pour aller écouter des informations, ou bien ils sont capables également de faire des distances, hein, et de faire des choses que des êtres humains ne peuvent pas faire. Et donc, ils servent d'une certaine façon, les devins et les médiums, et les devins et les médiums les servent d'une autre façon en retour, en leur offrant des actes d'adoration et en faisant des formes de shirk et de sacrilège. Donc ça fait en sorte que ils ont le service des djinns et eux ils prennent l'argent des gens avec ces choses-là. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc le cheikh il dit que lorsque les djinns arrivent avec une information du ciel vers le devin, ils mélangent avec cette information une centaine de mensonges et ils veulent par ça mélanger les gens. Et donc c'est ça. Les shayatins ne vont pas informer les devins de quelque chose, excepté si ces devins-là ont fait un acte de kufr ou de shirk auparavant et qu'ils les ont obéi aux shayatins. Hein, ces hommes-là aient obéi aux shayatins et mécru en Allah et fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont, obéit et remplit les demandes des shayatins qui ont rapport avec le kufr et le shirk. Sinon, le mu'min, le muwahhid, il n'obéira jamais au shaytan. Hein? Le vrai croyant, il va pas obéir au shaytan. Si le shaytan lui dit, fais-moi telle chose ou fais telle chose, je vais t'informer des choses de l'avenir ou des trucs de ce genre. Le vrai mu'min, le muwahhid, celui qui connaît le tawhid et qui crée Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va jamais accepter de se soumettre et d'obéir au shaytan. Hein? Donc ça c'est clair. Toutefois c'est le mushrik ou celui qui a une fitna dans son cœur, c'est lui qui va accepter d'obéir au shaytan et qui va faire du kufr ou du shirk. وكانت الكهانة سوقا رائجة عند العرب في الجاهلية وكان الكهان لهم شأن عند العرب كل قبيلة لها كاهن يتحاكمون إليه وكانت الشياطين تستسرق السمع وتخبر به هؤلاء الكهان فلما أراد الله بعثة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب ومنعوا من استسراق السمع كما قال تعالى حكاية عن الجن في أول سورة الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قلت الكهانة عما كانت عليه في الجاهلية ذلك لظهور الإسلام ومعرفة الحق من الباطل ولكن لهم وجود مستمر إلى يومنا هذا وكلما فشى الجهل في الأمة ظهر الكهان وكلما كثر العلم والتمسك بالدين والعقيدة الصحيحة قل الكهان وانقرضوا. Le cheikh il dit que à l'époque avant l'islam, les arabes ils avaient les devins, les médiums et les voyants, ils avaient beaucoup de popularité chez les arabes et ils étaient très très respectés, ok, à l'époque. Et chaque tribu avait son devin et son voyant, hein, et il retournait à lui dans toutes les affaires importantes pour demander quelque chose qui a rapport avec l'avenir ou des trucs de ce genre. Même dans les questions de paix ou de guerre ou d'autres sujets comme ça, ils avaient toujours leur mot à dire, hein, et ils ne faisaient rien avant de les consulter. Donc c'est pour, et il les prenait presque comme des juges, là, certaines divergences ou dans des questions de conflit. Et à l'époque, les diables volaient des informations dans les cieux et ils les informaient de ces informations-là. Toutefois, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu envoyer son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les cieux ont été préservés et gardés par des étoiles filantes, hein, et ça a empêché, les djinns d'écouter, et les shayatins d'écouter les informations qui étaient transmises dans le ciel, et ils étaient poursuivis donc par des genres d'étoiles filantes. Il y en a encore, c'est certain. Encore aujourd'hui, lorsque les djinns essaient d'aller voler des informations, ils se font poursuivre par des étoiles. Enfin, des étoiles filantes qui les poursuivent. Donc, ils peuvent plus voler les informations aussi facilement qu'ils le faisaient avant l'islam. Ils arrivent quand même parfois à en avoir. Et lorsqu'ils réussissent à en voler une, ils la mélangent avec une centaine de mensonges, hein. Tandis que peut-être avant ils n'avaient pas besoin de faire ça, hein, Wallahu a'lam. Et donc il mentionne le verset 9 dans Surat al-Jinn, au début du verset qui dit, et les djinns ils disent qu'au début ils s'assoyaient, hein, ils montaient les uns par-dessus les autres vers le ciel pour essayer d'écouter, mais aujourd'hui celui qui essaie d'écouter, il se fait poursuivre par une étoile filante, hein, ou quelque chose comme ça. Shihaban Rasada. Donc c'est pour dire qu'ils ne peuvent plus écouter le ciel comme ils écoutaient auparavant. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, le Cheikh il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu moins de divination puis des trucs comme ça, ça a diminué. Hein? C'est moins que c'était auparavant. On lit des histoires de qu'est-ce qui se passait dans différentes nations, dans différents peuples avant l'islam, à quel point certains magiciens, certains sorciers avaient beaucoup de pouvoir, beaucoup d'importance, hein, et que c'est vrai effectivement depuis que l'islam est venu, ces gens-là ont perdu de leur puissance et de leur force, et ils ont moins d'influence aujourd'hui qu'ils en avaient avant. Toutefois, ça reste encore aujourd'hui quand même. Et le cheikh il dit que lorsqu'on regarde dans la société, en réalité, plus la société, en ce qui concerne la société musulmane, dans les pays musulmans et la Ummah en général, plus dans cette société-là il y a de l'ignorance de l'islam, du Coran et de la Sunna et du Tawhid, et bien plus qu'il y a des courants, plus qu'il y a des devins et des voyants. Toutefois, lorsque la science augmente et que les gens s'accrochent plus solidement à la bonne aqida du Coran et de la Sunna, eh bien on voit que il y a de moins en moins de kuhan et de moins en moins de gens qui font ces genres de choses-là. Fal jihad allati fiha tawhid fiha islam sahih la yujad fiha kuhan wa in wujidu fa innahum la yadhharun wa la yu'rafun illa nadiran. اما المجتمعات الهمجيه والمجتمعات التي فشى فيها الجهل والخرافات فإن الكهان يكثرون فيها وتكون لهم سوق رائجة كما كانت لهم في الجاهلية. فمن أجل ذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب في موضوع الكهان وبيان حكمهم وحكم من يأتي إليهم وحكم من يسألهم ويصدقهم من أجل أن يكون المسلمون على حذر منهم وأن لا يغتروا بهم ولو ظهروا للناس باسم أطباء أو معالجين أو أصحاب خبرة، فإن هذه الأسماء أسماء خداعة لا تغير الحقيقة، فالكاهن كاهن مهما تسمى بالأسماء التي يستتر بها. لشيخ الزي que les directions dans ou les régions dans lesquelles on trouve le tawhid, on trouve un islam correct, c'est dans ces régions-là qu'on trouve qu'il n'y a pas de Qur'an en principe, et si on en trouve quelques-uns, eh ben ils sont cachés et ils ne sont pas connus, excepté un peu. Tandis que dans les autres pays, ils sont connus, ils montrent leur commerce même en, dans les journaux ou bien même dans les rues, tu vois écrit leur enseigne avec leur nom pour que les gens puissent rentrer et tout. Donc ça c'est dans les pays où il n'y a pas le tawhid qui est enseigné et que les gens connaissent pas le tawhid. Toutefois dans les pays où il y a le tawhid et la connaissance de l'islam correct, eh ben ces choses-là sont très difficiles à voir et ils sont très très cachés et secrets parce qu'ils savent ce qu'ils risquent si on les trouve. Et donc c'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mis ce chapitre ici pour expliquer ce sujet-là au sujet des devins et des médiums, pour clarifier le verdict à leur sujet et pour savoir ce que l'islam dit au sujet de ceux qui vont demander à ces gens-là, et pour aussi savoir pour que les musulmans donc prennent garde à ces gens-là et se méfient de ces gens-là pour pas qu'ils soient trompés par ces gens-là. Et parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que dans certains pays ils ne vont pas pour dire nous sommes des courants, hein, ils vont pas se présenter en voulant dire nous sommes des courants, parce que bien entendu c'est comme si le shaitan il venait à quelqu'un et disait je suis le shaitan, hein. Donc c'est bien entendu que les gens vont pas le suivre à moins qu'ils sont vraiment dans l'égarement, mais sinon ils viennent aux gens en disant nous sommes des médecins ou bien nous sommes des guérisseurs ou nous sommes des gens qui ont fait le ruqya ou des trucs comme ça, tu vois, ils se donnent des noms pour que les gens qui les connaissent pas vont croire qu'ils sont vraiment des guérisseurs et des gens qui font des bonnes choses de cette façon. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que le cheikh il dit que le kahin, peu importe comment quel nom il se donne, peu importe comment il s'appelle lui-même, il reste toujours un kahin et donc il faut s'en méfier. Maintenant le cheikh il mentionne le premier hadith qui est rapporté selon l'imam Muslim, rawa Muslimun fi sahihihi عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. C'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih que certaines des épouses du prophète صلى الله عليه وسلم ont dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui va voir un voyant ou un médium ou des trucs de ce genre et qui lui demande quelque chose et qui croit en ce qu'il a dit, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Le chef il explique maintenant, il dit قال روى المسلمون في صحيحه عن بعض أزواجه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورد في رواية أخرى أنها حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. Donc ça c'est un musulman qui a rapporté dans son sahih que certaines des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre narration c'est mentionné que cette épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va voir man ata arrafan, al-arraf qila huwa alladhi yukhbiru an al-umur al-ra'iba an tariq al-hadz wa al-takhmim والظن، وقيل هو الكاهن، فلا فرق بينهما، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن العراف اسم عام يدخل فيه كل من أخبر عن المغيبات سواء عن طريق الشياطين وعن طريق الحدس والتخمين أو عن طريق الخط في الرمل أو قراءة الكف والفنجان أو غير ذلك. فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه اللفظة صدقه ليست في صحيح مسلم، وإنما وردت في رواية الإمام أحمد في المسند، والذي في صحيح مسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالحكم مرتب على مجيء العراف فقط، لأن إتيان العراف والذهاب إليه جريمة ومحرم حتى ولو لم يصدقه. ولهذا سأل لما سأل معاوية ابن الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العرافين قال لا تأتيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن مجرد إتيانهم. فهذا الحديث يدل على تحريم الذهاب إلى العرافين حتى ولو لم يصدقهم، ولو قال أنا أذهب من باب الاطلاع فهذا لا يجوز. Le cheikh il dit, celui qui va voir un voyant, là, ça c'est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, celui qui va voir un voyant, arrafan, hein, quelqu'un qui prétend être un connaisseur, quelqu'un qui prétend connaître l'avenir, hein, eh ben, al-arraf, c'est la même signification que al-kahin, d'accord? Sauf que certains des ulama, ils ont distingué d'une certaine façon en disant que al-arraf, c'est celui qui utilise différentes méthodes pour prétendre qu'il connaît l'avenir, hein, que ce soit, il mentionne des termes comme par exemple al-had ou al-takhmim, ou bien al-khat firam, ou bien qira'at al-kaf, lire la... Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une boule de cristal, hein, ou bien ils lisent dans la main, ou bien ils prennent, comme je dis, la tasse avec le thé dedans, ou bien d'autres qui prennent aussi le sable, hein. Donc c'est pour vous dire que ça c'est différentes méthodes. Il y en a d'autres, c'est juste directement par les shayatines, hein. Ils disent que les shayatines, ils les appellent et ils rentrent en eux, hein, et ils prétendent qu'ils parlent en leur nom, yani, ou au nom des morts et des trucs de ce genre. Il y a différentes méthodes, différentes façons, mais arraf et kahin en principe c'est la même chose, d'accord. C'est ça ce que le chef explique. Et c'est des gens qui prétendent connaître des choses inconnues ou des choses invisibles, et donner des informations sur l'avenir et des trucs de ce genre. Et donc le cheikh il explique par la suite, celui qui croit, ça soit d'accord bima yaqul, il dit celui et qui croit en ce qu'il dit, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Le cheikh explique toutefois que le terme et qui croit en ce qu'il dit, ça c'est pas dans le hadith de Muslim en réalité. Dans le hadith de Muslim, qu'est-ce qu'on retrouve dans le Sahih Muslim? On trouve man ata arrafan lam tuqbal lahu salatan 40 yawma. C'est ça le vrai terme dans le Sahih Muslim. OK? Le vrai hadith dans le Sahih Muslim, ça dit celui qui va voir un voyant ou un médium, sa prière ne sera pas acceptée 40 jours sans la mention du terme fasaddaqahu, c'est-à-dire qu'il croit, hein, ce qu'il a dit. D'accord? Donc la question de la prière qui n'est pas acceptée pendant 40 jours, c'est pas celui qui a cru en ce que le médium dit, c'est celui qui est allé le voir seulement, sans même y croire. D'accord? Donc ça c'est une erreur dans la transmission du hadith. Toutefois, le cheikh explique que le terme « fasaddaqahu », ça c'est dans une autre narration, c'est pas la narration de Muslim, c'est une narration qui est apportée par l'imam Ahmed. Ok? Et il dit فالحكم مرتب على مجيء العراف فقط. Donc c'est juste le fait d'aller le voir, ça y est, c'est déjà t'as déjà fait quelque chose de haram et t'as déjà fait un crime, yani, même si tu n'y as pas cru. Et il y a même dans un autre hadith, le Muawiyah ibn al-Hakam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'aller voir les médiums et les voyants, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, ne va pas les voir. Ne va pas vers eux, hein. Donc ça c'est pour montrer que c'est interdit même d'y aller seulement, hein. Et même si quelqu'un par exemple il voulait dire par exemple je vais y aller juste pour voir, par curiosité, pour voir qu'est-ce qu'il va dire, est-ce que c'est vrai ou non, le cheikh il dit ça c'est interdit également, même si tu n'y crois pas, même si c'est juste par curiosité. لم تقبل له صلاة 40 يوما وفي رواية 40 يوما وليلة فدل هذا على شدة عقوبة من يأتي العراف وأن صلاته لا تقبل عند الله ولا ثواب له عند الله فيها وإن كان لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الظاهر ولكن فيما بينه وبين الله صلاته لا ثواب له فيها لأنها غير مقبولة وهذا وعيد شديد يدل على تحريم الذهاب إلى العرافين مجرد الذهاب ولو لم يصدق أما إذا صدقهم فسيأتي في الأحاديث ما عليه من الوعيد الشديد والعياذ بالله. Le cheikh il dit que sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours et dans une autre narration pendant 40 jours et 40 nuits. Hein? Donc ça prouve qu'il y a une grave punition qui est relié au fait d'aller voir un voyant et que la prière de la personne qui va voir ces gens-là, elle n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala et il n'a pas de récompense pour l'avoir fait. Même s'il n'est pas commandé de la refaire, même s'il n'est pas commandé de le refaire cette prière-là, hein, il l'a prié en apparence, sauf qu'entre lui et Allah, il n'y aura aucune récompense pour l'avoir fait et il ne sera pas accepté pendant ces 40 jours-là. Toutefois, il est quand même obligé de la faire. Et donc, des voyants, des chinois. Comment ils les appellent là-bas? Oui, comment on appelle, c'est quoi? Ou un Belégio. Tcherno. Marabout, c'est Tcherno. les crêtes, la crête des coques. Allah Moustahan. Ouais. Subhanallah. Subhanallah. Ajaban. Ça, c'est qu'est-ce qu'on expliquait hier. Il y a un frère qui disait ça justement, qu'il y a des gens dans son pays, dans le pays d'un autre frère, où lorsqu'il quelqu'un se mariait, il y a des sorciers qui allaient voir les gens pour leur dire, si vous ne nous donnez pas d'argent, on va vous faire de la sorcellerie, tu ne pourras pas approcher ta femme. Et donc, par crainte de ça, et ben les gens donnaient de l'argent à ces gens-là, hein. Et donc ça, c'est un petit peu ce style-là, mais ça, c'est de la magie, hein, c'est de la sorcellerie. Donc c'est des gens qui font partie des Qur'an, de ces gens-là, des Sahara, des sorciers et tout. Allah ça. أعوذ بالله c'est vraiment des diables ces gens-là. أعوذ بالله d'aller voir. Donc c'est ça, ils ont peur de se faire ensorceler ou de se faire faire de la magie, donc ils vont voir des sorciers pour enlever la sorcellerie. Ça c'est qu'est-ce qu'ils appellent al-mushra, et ça aussi c'est bien entendu c'est haram, hein, parce que tu peux pas utiliser le shirk pour enlever le shirk, hein, ou le sihr pour enlever le sihr, c'est la même chose. Et on va le voir après, inshallah. Donc, la solution pour se protéger de ça, c'est pas d'aller voir des sorciers ou des gens qui prétendent avoir ces pouvoirs pour enlever la magie, mais c'est de se protéger par le Coran et par la récitation et des trucs de ce genre. Mais quand même, c'est criminel de faire ça aux gens, hein, quand on y pense. Si quelqu'un est assez malhonnête et criminel pour aller menacer les gens de les ensorceler comme ça, surtout lors du mariage et tout ça, ça c'est déjà vraiment, il faut les, comme c'est vraiment, on voit maintenant pourquoi dans l'islam il y a cette punition pour des gens qui font des choses comme ça, parce que ici là les gens ils vont dire bah c'est pas un mal physique, c'est-à-dire on peut pas prouver qu'il y a un mal réel qui se produit parce que c'est des trucs de magie et tout, et eux il y en a qui croient pas, hein, mais quand ça fonctionne et quand on voit que ces gens-là font de l'argent avec ça puis qu'ils terrorisent les gens, c'est une forme de terrorisme, hein, comme le chef il dit dans l'explication, hein, il dit, ben ouais c'est ça, ben c'est ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire, comme j'écoutais le chef répondre à une question à ce sujet-là. Il dit, allez voir les autorités dans votre pays, allez voir les autorités, ramenez les preuves que vous avez contre ces gens-là, et présentez vos preuves, et peut-être que, Inch'Allah, si Allah leur ouvre le cœur, ils vont peut-être réaliser, à moins que... Mais... Ah, même eux, ils ont peur des trucs. Ah, là-bas. Donc ça veut dire, là-bas, ils ont la mafia des sorciers, là. Ah, on ne veut rien. En tout cas, ça c'est ça. Le problème c'est ça. Exactement. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai. C'est ça. Donc si, c'est ça. S'ils avaient le tawhid, ils n'auraient pas de problème. Le problème c'est ça. En tout cas, le cheikh il dit que, attends, où est-ce qu'on était rendu? Et donc c'est ça, c'est une grande menace, pour celui qui va voir ces gens-là, juste y aller seulement, c'est déjà un péché, et ça fait que ta prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Alors imagine celui qui croit en ça, et donc il y a d'autres hadiths qui mentionnent le fait de croire en ça, et que c'est très très grave, et on va lire le hadith justement. Le cheikh il mentionne un hadith, il dit « Wa an Abi Hurayra radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam » قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود قال الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف دي أبو هريرة رضي الله عنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدي celui qui va voir un voyant ou un kahin et qui croit en ce qu'il dit, il a mécru, ou il a rejeté la foi en ce qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est rapporté par Abu Daoud. Donc il dit que dans ce hadith il y a deux choses. في هذا الحديث شيئان الشيء الأول المجيء إلى الكاهن والشيء الثاني تصديقه بما يخبر به من أمر الكهانة وحكمه أنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجتمع التصديق بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بما عند الكهان من عمل الشياطين ضدان لا يجتمعان لا يمكن أن يصدق بالقرآن ويصدق بالكهانة وعن أحمد روايتان في نوع هذا الكفر رواية أنه كفر أكبر يخرج من الملة ورواية أنه دون ذلك وفيه قول ثالث وهو التوقف وأن يقرأ الحديث كما جاء من غير أن يفسر بالكفر الأكبر أو الكفر الأصغر فنقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي ولكن الظاهر والله أعلم هو القول الأول أنه كفر يخرج من الملة لأنه لا يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة لأن الله أبطل الكهانة وأخبر أنها من عمل الشياطين فمن صدقها وصوبها كان كافرا بالله كفرا أكبر وهذا هو الظاهر من الحديث. Le cheikh il dit que la première chose dans ce hadith, c'est celui qui va voir un kahin. Celui qui va voir un kahin, ça c'est la première chose, celui qui va voir un voyant. Deuxième chose, et qui croit en ce qu'il dit. Il croit en ce qu'il que ce kahin a dit. Le verdict à ce sujet-là, c'est qu'il est kafir. Il a mécru en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu peux pas croire en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et croire en ce qui a été révélé ou donné au Coran de la part des actions des shayatin en même temps. C'est comme si tu essaies de croire en deux choses contradictoires et contraires et opposées en même temps. Et donc ça c'est quelque chose de contradictoire, c'est comme si tu dis je crois au tawhid et je crois au shirk en même temps, donc ça c'est quelque chose qui se peut pas, et donc tu peux pas croire au Coran et croire en Al-Kihana en même temps. Et il y a deux narrations qui ont été rapportées au sujet de l'interprétation de ce hadith par l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. La première explication c'est que cette catégorie de kufr dans ce hadith fait partie du kufr akbar qui fait sortir de la religion. Pardon. La deuxième catégorie de kufr serait une catégorie de kufr asghar. La deuxième serait que c'est une catégorie de kufr dun kufr. Ok. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une troisième position qui a été mentionnée aussi, c'est At-Tawakkuf. Et At-Tawakkuf, ça veut dire on s'arrête et on ne l'explique pas. On ne dit pas Kufr Akbar ou Kufr Asrar, on le laisse tel quel. Kufr. Et on dit que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est suffisant. Ça, c'est la troisième position. Mais le cheikh dit que qu'est-ce qui est apparent, qu'est-ce qui paraît le plus à ce sujet-là, c'est que c'est la première position qui est celle qui est correcte, c'est-à-dire la parole qui dit que c'est une forme de kufr akbar qui fait sortir de la religion. Parce que tu peux pas croire en le Coran et croire en Al-Kihana, croire en la voyance, ou la prétendre, des gens qui prétendent voir l'avenir en même temps. parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dénoncé, il a détruit cette chose-là, al-kihana, et il a montré que c'est quelque chose de batil, quelque chose de faux, et donc on n'a pas le droit d'y croire. Et le shaykh dit, وَأَخْبَرَ أَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّيَاطِينَ فَمَنْ صَدَّقَهَا وَصَوَّبَهَا كَانَ كَافِرًا بِاللَّهِ كُفْرًا أَكْبَرًا. Donc ça fait partie des actions des diables, et celui qui y croit, donc il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc il est un mécréant, un kafir, d'une mécréance majeure. Et ça c'est le sens apparent de ce hadith. Ensuite il dit, وَلِلْ أَرْبَعَ وَالْحَاكِمْ قَالْ صَحِيحٌ عَلَى شَرْتِهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. نعم. Donc il dit le cheikh que les quatre ont rapporté, ainsi que Al-Hakim dans son Sahih, selon les conditions de l'imam Al-Bukhari et Muslim, que Abu Huraira رضي الله عنه a dit que celui qui va voir un Arraf ou un Kahin et qui croit en ce qu'il dit, il a mécru en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même signification, excepté que les deux termes sont utilisés dans le même hadith, c'est-à-dire le terme Kahin et le terme Arraf, ok, dans le même hadith. Et après le Cheikh il dit que ça a été aussi rapporté selon Abi Ya'la avec une sanad qui est bonne, selon Ibn Mas'ud, et de même que selon Ibn Mas'ud, mawqufan, c'est-à-dire comme étant une parole de Ibn Mas'ud lui-même, et non pas attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien entendu, les ulama, ils considèrent que, les ulama de hadith, ils considèrent que si une parole est attribuée à un sahabi, hein, une parole est une parole d'un sahabi, et que cette parole est relié à un sujet qui fait partie de qu'est-ce qu'on ne peut pas parler en se basant sur la raison, donc il considère que ça c'est dans le même sens, c'est-à-dire que ça fait partie de la sunna et que c'est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si le sahabi n'a pas dit directement « qala rasulallah sallallahu alayhi wa sallam » parce que il y a des choses qu'un sahabi ne peut pas dire de sa raison ou de sa propre opinion. Donc on dit dans ce cas-là que ça fait partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et on dit que ça fait partie de la sunna également. Donc ça c'est important de comprendre ce point. Et le chef il explique ça, il dit قَالَ وَلِي الْأَرْبَعَ وَالْحَاكِمِ قَالَ صَحِحًا عَلَى شَرْتِهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنَاتَ عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا إِلَى آخِرِهِ. هذا الحديث جمع بين الاثنين العراف والكاهن. فإذا جمع بينهما فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات بسبب ما تلقيه عليه الشياطين. أما العراف فهو الذي يخبر عن المغيبات بسبب الحدس والتخمين والخط في الأرض وما أشبه ذلك. فإذا ذكر الاثنان جميعا صار لكل واحد معنى. أما إذا ذكر الكاهن وحده دخل فيه العراف وإذا ذكر العراف وحده دخل فيه الكاهن. وقال ولأبي يعلى. Okay. Donc ce hadith, comme j'avais expliqué, c'est qu'il mentionne la même chose que celui qui était en avant, le hadith précédent, excepté que les deux termes sont mentionnés dans le même hadith, c'est-à-dire al-kahin et al-arraf. Et le cheikh explique que si les deux sont utilisés dans le même hadith ensemble, et que les deux mots sont dans le même hadith, ça veut dire que dans ce cas-là, on distingue entre les deux en disant que Al-Kahin, c'est celui qui reçoit l'information de la part des shayatines directement, tandis que Al-Arraf, ce serait celui qui utilise des différentes méthodes pour arriver à, soi-disant, montrer qu'il a des informations de l'invisible et de l'avenir ou des trucs de ce genre. Et donc, s'ils sont les deux mots dans le même hadith, on distingue entre les deux. Toutefois, s'ils sont mentionnés chacun individuellement dans un hadith, eh bien, l'un a la signification des deux, dans ce sens-là. Et il dit, وَقَالَ وَلِأَبِي عَلَى وأبو يعلى هو أبو يعلى الموصلي الإمام الحافظ بسند جيد عن أبي موسى عن ابن مسعود مثله أي مثل حديث أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه موقوف على ابن مسعود ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف هما كان من كلام الصحابي فهذا يؤيد ما سبق والأحاديث كلها تدل على تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وتصديقهم بما يقولون. Donc, le chef explique que selon Abi Ya'la al-Mousili, c'est un des imams parmi les imams du hadith, il a un livre qu'il a, dans lequel il a ramassé des hadiths et qu'il a rassemblé des hadiths et il dit que c'est avec une sanad qui est bonne, c'est le même hadith exactement, excepté que c'est rapporté selon Ibn Mas'ud au lieu d'être selon Abi Huraira. Toutefois, c'est une parole de Abi Huraira, c'est pas une attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand vous entendez le terme mawquf, ça veut dire la parole d'un sahabi. Hein, quand on dit mawquf, ça veut dire parole d'un sahabi. Et donc, toutes ces différentes narrations supportent la signification qu'on a expliquée depuis le début, c'est-à-dire que, comme le cheikh il explique, que c'est interdit d'aller voir les voyants et les médiums et les gens de cette catégorie-là, et de croire en ce qu'ils disent. Fadalla, هذه الأحاديث على مسائل. المسألة الأولى بطلان الكهانة مشتقات ومشتقاتها من العرف من العراف عرافة وغير ذلك من دعاوى علم الغيب وأن هذا كله باطل لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله كما قال أو كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فقد يطلع الله أنبياءه على شيء من الغيب من أجل إقامة الحجة على الخلق وتكون معجزة لهذا الرسول. Donc le cheikh il explique les points importants dans ces hadiths là qu'on vient juste de lire. Le premier point c'est qu'on montre que Al-Kihana et Al-Irafa et tout ce qui a rapport à prétendre connaître l'avenir et informer les gens de ces choses là, tout ça c'est batil, tout ça c'est faux, tout ça c'est quelque chose à rejeter. Ok? Et personne ne connaît Al-Ghayb, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il mentionne des preuves de ça dans le Coran, comme par exemple, قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, personne en dehors d'Allah ne connaît Al-Ghayb, dans les cieux et sur la terre. D'accord? Personne ne connaît l'inconnu ou l'avenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet, si je connaissais l'Al-Ghayb, si je connaissais l'invisible et l'inconnu, j'aurais fait que beaucoup de bien me parvienne, hein, j'aurais fait que tout le bien arrive sur moi et que aucun mal ne me touche. Et donc ça, le fait que certaines fois du mal l'atteignait et qu'il n'avait pas tout le bien, parfois ça prouve qu'il n'a pas la connaissance du bien. Pardon, du Ghayb, hein, il n'a pas la connaissance du Ghayb et de l'invisible et de l'avenir. Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, donc le messager ne connaît pas l'avenir, il ne connaît pas le ghaib, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et yani, il mentionne le verset 26 et 27 dans surat al-Jinn, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est alim al-ghaib, et donc il ne laisse personne connaître son ghaib, la connaissance de l'invisible, excepté celui qu'il a agréé parmi les messagers. D'accord? Donc ça prouve que parfois, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner à certains de ses messagers quelques connaissances à propos des choses de l'invisible ou de l'avenir, mais ça c'est pour montrer que ce qu'il enseigne est la vérité et pour supporter sa prophétie et pour ramener la certitude et la conviction dans le cœur des croyants. Et ça sert en fait de miracle pour le messager quand le messager dit dans l'avenir il va y arriver telle ou telle chose Et bien, lorsque cette chose-là se produit, c'est une preuve de la vérité ou de la véracité de ce que ce messager-là a enseigné. Et le cheikh il dit comme deuxième point, « المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب تكذيب الكهان ونحوهم وأن لا يقع في نفس الإنسان أدنى شك في كذبهم لأنه يجب الجزم بكذبهم. » Le cheikh il dit comme deuxième point que dans le hadith il y a l'obligation de démentir les devins et les voyants et des gens de cette catégorie-là, et il ne doit pas y avoir dans le cœur d'un homme aucun doute sur le fait de leur que ce sont des menteurs et que ce qu'ils disent est mensonge, et il est obligatoire de dire avec certitude que ce qu'ils disent est mensonger. المسألة الثالثة فيها دليل على تحريم الذهاب إلى الكهان ولو لم يصدقهم وأنه إذا فعل ذلك لم تقبل له صلاة 40 يوما. Le troisième point, il y a la preuve dedans que le fait d'aller voir les médiums et les voyants, hein, même si tu ne crois pas en ce qu'ils disent, eh bien, c'est que ta prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Et le quatrième point, المسألة الرابعة فيه دليل على أن التصديق خبر الكهان كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والذي أنزل الله على رسوله هو الكتاب والسنة. Donc il y a la preuve que celui qui croit en ce que ces gens-là disent parmi les kohan, il a mécru en ce que Allah a fait descendre sur le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, et ce que Allah a fait descendre sur son messager, c'est le Coran et la Sunna. Donc ça veut dire qu'il a mécru en le Coran et en la Sunna, et donc c'est kufr. Et le cheikh dit, المسألة الخامسة تدل هذه الأحاديث على وجوب معاقبة الكهان ومن يذهب إليهم من قبل ولاة الأمور لأجل إراحة المسلمين من شرهم ووقاية المجتمع من خطرهم بين الناس, لأن هؤلاء الكهان يرهبون الناس بما يقولون لهم من الكذب والوعيد والترهيب حتى يخوفوهم. قال كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهؤلاء وجودهم في المجتمع يسبب الإرهاب ويسبب التشويش على عقول الناس والخوف ويروجون الكذب والشر حتى يصبح الناس في خوف وقلق بسبب الكهان, فيأتونهم ويقولون لأحدهم إن فلانا عمل لك سحرا أو ربطك أو ربط فيك الجن وغير ذلك من أكاذيبهم وإرجافاتهم. C'est un point important. Je ne sais pas, une fois tu me disais, il y avait un au Sénégal qui avait dit aux gens, faites attention, il va y arriver telle ou telle chose, et tout le monde avait peur. Dernièrement, je pense, c'est pas l'année passée peut-être, tu m'avais dit, ouais, tu disais il faut pas se laver, il fallait se laver, ou les gens avaient peur de se laver avec Non, c'était pas se laver, il devait pas se laver ou quelque chose comme ça. En tout cas, je me rappelle plus exactement, mais c'est comme si tu disais qu'il y avait un qui avait fait une menace aux gens pour dire que si vous faites ça, il va arriver quelque chose, faites pas ça. Et là, tout le monde avait peur dans la région de faire ce que cette personne-là avait averti de ne pas faire. Qui va tomber sur eux. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. C'est comme le père il dit que il y a ce gars-là qui avait dit aux gens ne vous lavez pas ce jour-là ou cette nuit, sinon il y a une malédiction qui va s'affaisser sur vous. Et donc tout le monde avait peur, et tout le monde, donc il y a beaucoup de gens à cause de ça, ils ont refusé de se laver. Et donc c'est pour ça que le cheikh le dit ici. Dans ce hadith, il y a la preuve de l'obligation de punir ces gens-là qui font ces genres de voyance et de magie, et ceux qui et également ceux qui vont voir ces gens-là de la part des dirigeants. C'est-à-dire ceux qui sont des dirigeants dans la société musulmane, ils doivent punir ces gens-là et ceux qui font ces choses-là, pour pas que les gens commencent à avoir la peur et la crainte augmenter. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, c'est comme tu dis, Akhi, subhanallah, c'est grave. Le cheikh, il dit, les dirigeants doivent punir ces gens-là pour remettre la paix aux musulmans, pour que les gens soient en paix du mal de ces gens-là, puis pour protéger la société de leurs dangers. Parce que. Non, bien sûr, c'est ça le problème. Tu vois, il ne va pas les punir puisqu'il croit, il a peur lui-même de ces choses-là. Donc il en est victime en fait. Lui-même, il en est victime malheureusement. Et donc c'est parce que là, ça c'est ce qui arrive quand les gens ont une faible compréhension du tawhid, mauvaise compréhension des fondements de la religion musulmane. Et donc ils craignent ces gens-là plus que Allah subhanahu wa ta'ala, malheureusement. Et donc le cheikh il dit que ces gens-là sont très dangereux pour la société. Hein, et dangereux aussi du fait qu'ils sont une menace pour la croyance des musulmans et pour le tawhid des musulmans, parce qu'ils les appellent au shirk d'une certaine façon, et donc également ils ramènent la crainte et la peur dans la société. Comme tu me dis, dans le collège qui avait 53 personnes, et là-bas c'est dans des régions différentes, donc c'est ça. Et donc il y a des gens comme ça qui tombent et tout, et ils disent que c'est à cause de la sorcellerie, et donc après ils vont menacer la société en disant, si vous ne faites pas attention, ça va augmenter ou ça va être pire, ou on va faire ça. Et donc les gens commencent à avoir peur de ces gens-là. Je ne sais pas si vous avez entendu une fois, ben c'est peut-être pas dans la même catégorie, mais il y avait eu des menaces au Japon. Il y avait une secte au Japon. Et ils faisaient des attaques au gaz dans les métros. Hein, je me rappelle plus c'était quoi. Mais là, c'est comme si c'est pas la même catégorie, mais c'est quand même des menaces de cette façon. C'est comme une forme de terrorisme, de faire peur aux gens, hein, pour les contrôler. Eh ben, c'est la même chose avec la magie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la sorcellerie pour faire peur à la société et pour obtenir de la société une certaine obéissance ou un certain respect ou autre, ou des biens, de l'argent et des choses de ce genre. Puis les autres, les terroristes réels, ceux qui utilisent les bombes ou d'autres, ben c'est exactement la même chose que ce qu'ils font aussi, contrôler, ils prennent la société en otage en faisant des actes de ce genre. Donc, mais cette catégorie-là est encore plus grave parce qu'elle va même jusqu'à, dans disons, la crainte de la personne qui est cachée, hein, dans des choses qui ont rapport avec son être, son cœur et tout. Donc c'est encore plus grave parce que ça a un lien direct avec le tawhid et l'aqida, hein. Donc le cheikh il dit que ces gens-là, ils font peur aux gens à cause de ce qu'ils disent et à cause des mensonges et des menaces qu'ils font. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça justement dans le verset 6 de Sourate Al-Jinn. Et il y avait des hommes parmi il y avait des humains, ou bien des, il y avait des personnes parmi les djinns qui prenaient la protection des hommes parmi les djinns. Il y avait des hommes parmi les êtres humains qui prenaient la protection des hommes parmi les djinns. Et quand ils faisaient ça, quand ils cherchaient le refuge et la protection en ces djinns, eh bien ça faisait juste les augmenter en peur par rapport à ces djinns-là. Donc ça c'est l'exemple de ce qui se passe en fait quand les gens croient en ces genres de choses-là, ils augmentent en crainte par la suite. Fahaoula, donc il dit ces gens-là, leur présence dans la société, ça crée la terreur. Et ça crée, il joue avec l'esprit des gens et la raison des gens, et ils amènent donc le mensonge, ils répandent le mal, et donc les gens commencent à avoir peur à cause de ces gens-là, et donc ils vont voir les gens, hein, un d'entre eux, il va voir les gens et dit, un tel il t'a fait de la magie, ou il t'a attaché un nœud, ou il t'a accroché un djinn, ou d'autres mensonges de ce genre, et là les gens commencent à avoir peur, et donc ça crée des problèmes dans la société. Mais quand on corrige, avec le tawhid, on corrige ça, et donc c'est là que les gens cessent d'avoir peur de ces gens-là, etc. Ah, ok. Elle a prononcé un nom, ok. Ah, ok. Subhanallah. Donc c'est grave. Donc ça c'est tout ce qui a rapport avec les superstitions. corruption, puis les mensonges, puis les gens, quand ces choses-là commencent à être répandues dans une société, ben, et après, c'est très très facile par la suite de jouer avec l'esprit des gens, et aller comme ça. On pourrait s'arrêter ici. On va s'arrêter maintenant, puis on continue, Inch'Allah, au prochain cours à partir de ce hadith où on est arrivé maintenant, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فيكم بركة إن شاء الله